Affaire de la voiture de police brûlée, quai de Valmy. Jour 2. Je sais bien que j'ai la vidéo contre moi. Par Nathalie Quintane, parue dans lundi matin 114, le 24 septembre 2017. Le 19 septembre s'est ouvert au tribunal de grande instance de Paris le procès de l'affaire de la voiture de police brûlée sur le quai de Valmy. Pour couvrir l'événement et s'assurer d'une compréhension plus riche des enjeux de ce procès, lundi matin a demandé à des écrivains de suivre et de raconter les audiences. Nathalie Quintane nous raconte cette seconde journée. Deuxième jour d'audience. C'est-à-dire premier, puisque le premier jour a été annulé pour cause de taille de salle. La salle de la 16e, chambre correctionnelle, est, paraît-il, un peu moins petite que celle de la 14e. Une quarantaine de places pour le public. On se tasse devant les barrières Vauban. On attend les prévenus, les avocats, dans l'ordre. Au-dessus de moi, il me dépasse de trois têtes, un monsieur assez âgé mais très droit, avec un Lacoste au liseré bleu-blanc-rouge, ne cache pas son énervement. Il est un peu seul, entouré par des dames et des jeunes gens qui ne portent pas le même genre de vêtements que lui. Dans ce procès, l'habit est une question capitale. On s'agite. Il paraît que les prévenus sont bloqués à l'entrée du palais de justice. On imagine la conversation. Mais laissez-moi passer puisque je vous dis et je vous répète que c'est mon procès. Pas question, jeune homme. Ordre de ne laisser rentrer personne qui vous ressemble. Mais c'est justement parce que je me ressemble que je dois passer. Etc. Pendant ce temps-là, une dizaine de membres du syndicat Alliance nous grillent en s'engouffrant dans la salle d'audience à la queue leu-leu derrière la presse. Inquiétude, puis colère. Combien de places restera-t-il si Alliance en prend la moitié? Sortez-les! Sortez-les! Hurle la foule. Enfin, on entre. Début de l'audience. Quelques questions. État du droit et jurisprudence, qui ont l'air de mise en bouche, n'en sont pas, mais feront plouf par rapport au gros de la journée qui va porter sur la question des images. J'annonce ici la couleur, vu que l'après-midi fut essentiellement une longue projo commentée. L'un des avocats soulève le problème de l'inégalité de traitement judiciaire entre les personnes inculpées pour violences commises sur PDAP, personnes dépositaires de l'autorité publique, et les PDAP inculpés de violences, rappelant l'affaire du lycéen frappé au visage par un CRS. Il s'agit en quelque sorte d'un dossier miroir, explique-t-il. Or, à l'époque, la demande de constitution de partie civile par une association de parents d'élèves et la Ligue des droits de l'homme avait été rejetée, alors que cette même demande a été acceptée concernant le syndicat de policiers Alliance. L'avocate d'Alliance répond alors que la constitution de la partie civile se justifie car l'intérêt collectif de la profession est atteint. Elle fait état d'une jurisprudence liée à une histoire de séquestration de cadres et de rancune contre les cadres précisément parce qu'ils étaient cadres. Mais le lycéen n'a-t-il pas été frappé précisément parce qu'il était lycéen? Et les professions qui manifestent précisément parce qu'elles manifestent? Le trouble autour de la qualification des manifestants, les manifestants, je veux dire les casseurs, dira le procureur, les manifestants casseurs, dira un témoin, n'a fait que renforcer le sentiment que, sous la compréhension purement intellectuelle et l'acceptation machinale qu'en démocratie, on a le droit de manifester, puisque c'est dans la Constitution, sous ce vernis-là, il y a la vérité profonde d'une incompréhension radicale formulé simplement. Mais pourquoi vous manifestez? C'est la question du président du tribunal, puis du procureur, qui ne comprennent pas, ou feignent de ne pas comprendre, mais c'est la même chose, qu'on puisse retourner manifester quand on ne supporte pas les lacrymos. Ça vous gêne pas de revenir? Dira le président. Et « Mais pourquoi vous y allez? Dira le proc. Car pour eux, sans doute, les raisons de manifester sont suffisamment légères pour qu'on rentre chez soi quand ce n'est pas une balade. C'est d'ailleurs là que le récit d'un des prévenus, l'un des plus impliqués, logiquement se loge. Il raconte que, fin mars 2016, il est sorti pour la première fois de sa vie en manifestation pour faire marcher sa mère, qui avait eu un AVC. La manif balade se change rapidement en manif gazage-matraquage. Et là, comme on dit, révélation. Alors c'est ça, la police, en France. Suivi d'une deuxième révélation, quand il est arrêté, puis incarcéré. Alors c'est ça, la prison, en France. Le creux, voire le vide, politique, a tout fait de se remplir quand l'informaticien quadragénaire, soucieux de vérifier lors d'une deuxième manifestation qu'il ne s'est pas trompé de révélation, constate que ça recommence. Une fois de plus, je me suis fait gazer. Sa version du duel avec le policier sorti de sa voiture, qui lui fait face et qu'il vise avec ce qui, tour à tour, selon l'énonciateur, est décrit comme une barre de fer, une tige, un bâton, etc., le place, et la place, en miroir de la version du policier, et vice-versa. Ils diront tour à tour qu'ils ont eu peur de mourir, peur que l'un sorte son arme et tire, peur que l'autre le mette à terre et l'achève, peur contre peur. Il sort, il est face à moi, il est armé, je sais qu'il peut me tuer, dit l'informaticien. Ça, c'est ce qu'on sait tous, et qu'il a récemment appris. Non, l'exercice de ses droits en démocratie n'est plus une balade. Autre chose que ne comprendra pas le procureur, c'est qu'on puisse revenir pour aider des manifestants coincés dans une nasse alors que soi-même on ne l'est pas. Vous étiez tiré d'affaire, vous, en somme. Il ne vous restait plus qu'à détaler. L'état moral de la société, on la découvre aussi dans les tribunaux et pas seulement du côté qu'on croit. La manière dont les images, vidéos, captations d'écran, photos, sont exploitées par la justice et la police, mériterait un gros bouquin, qui a peut-être déjà été écrit, mais sinon, faut s'y mettre. Dans la salle d'audience, le dispositif est le suivant. Un écran de la taille d'une grosse télé est placé en haut à droite du président du tribunal de manière à ce qu'il puisse se tourner vers les images pour les commenter, en émule de Jean Douchet, un célèbre critique et théoricien du cinéma. Chaque image est une pièce, ce jour-là, à charge, qui doit permettre de déterminer l'intention de l'inculpé, intention déduite des apparences telles que décrites par la police. Je copie ici les phrases dites le plus souvent par le président à propos de ces images, la plupart disponibles en ligne, plus quelques cams de surveillance, mais qui n'apportent rien de plus. C'est une exploitation vaste et précise des éléments vidéo par la police qui va faire avancer rapidement l'enquête. Voici des photos qui illustrent ce que dit le tribunal. Les policiers expliquent qu'on vous voit de dos. On vous verrait le visage complètement masqué pour ne pas être reconnu. Les policiers expliquent que c'est la même personne qui serait vous. On va voir sous la flèche rouge, de façon à ce que vous puissiez repérer, une première personne avec une casquette rouge, une deuxième qui porte un plot. Voilà une flèche rouge qui vous identifie, parce que c'est très difficile, le visage masqué au milieu de 150 manifestants. Là, on vous verrait proche du bâton du policier. Etc. Etc. Bref, du Woody Allen plus pur jus. Le sommet étant atteint quand le président du tribunal nous suggère de reconnaître à l'écran le visage du prévenu qu'on a sous les yeux et qui n'est visiblement pas le même. « Donc vous ne vous reconnaissez pas sur cette photo ?» demande le président au prévenu. « Il paraît évident que ce n'est pas moi, » répond le prévenu sous les rires de la salle. Son avocat achève. Et c'est sur la base de ces photos qu'il a été accusé de tentative d'homicide sur PDAP? Mais la vérité de ces images, et de notre rapport à elles, C'est l'un des prévenus, le plus jeune, qui l'a dit. À force de les avoir vus, je confonds ma vision des faits avec les vidéos. Bien sûr, cette foi en l'image, l'image comme preuve indubitable, ne se soutient que de son interprétation. Ça ne marche qu'accompagné, et si possible précédé, par la parole policière ou magistrate, magistrale en somme. Or, ce que la parole explique et justifie, ce qu'elle voit dans l'image, peut aussi bien être défait par une parole contraire ou mieux ajustée. Vous avez déclaré « J'ai vu la voiture brûler ». Non, vous ne lisez pas la phrase en entier. J'ai dit « J'ai vu la voiture brûler de loin ». Ici, tout se joue sur un mot, cet adverbe « de loin ». Car il s'agit de déterminer ce qui était suffisamment proche de la voiture pour pouvoir tomber sous le chef d'inculpation pour lesquels il et elle sont tous là. Appartenance à un groupe constitué en vue de commettre des violences et des dégradations. La désolante substitution de l'image à la réalité peut être défaite par les mots. Voilà, c'était la lecture du deuxième jour de l'affaire de la police, de la voiture de police brûlée, quai de Valmy, par Nathalie Quintane et qui est parue dans le lundi matin 114, donc sur le site lundi.am.